Pendant cette courte scène, Valérie notifiait à l'oreille de Henri Montès la prétendue volonté de Marneffe et se débarrassait ainsi de lui pour quelque temps. Des quatre fidèles, Crevel, seul, possesseur de sa petite maison économique, était accepté de cette mesure. Aussi montrait-il sur sa physionomie un air de béatitude vraiment insolent, malgré les espèces de réprimandes que lui adressait Valérie par des froncements de sourcils et des mines significatives. Mais sa radieuse paternité se jouait dans tous ses traits. À un mot de reproche que Valérie alla lui jeter à l'oreille, il la saisit par la main et lui répondit « Demain, ma duchesse, tu auras ton petit hôtel. C'est demain l'adjudication définitive. » « Et le mobilier ? » répondit-elle en souriant. « J'ai 1000 actions de Versailles, rive gauche, achetées à 125 francs, et elles iront à 300 à cause d'une fusion des deux chemins, dans le secret de laquelle j'ai été mis. Tu seras meublée comme une reine. Mais tu ne seras plus qu'à moi, n'est-ce pas ?»« Oui, gros-mère, » dit en souriant cette madame de Merteuil bourgeoise. « Mais de la tenue, respecte la future madame Crevel. »